je vais regarder. Ouais, je vais regarder. En tout cas, merci. Bon, j'arrête, moi. Je voulais voir si j'étais synchro. Je suis synchro ou non, moi. Je vais regarder ce site, alors. Par contre, on peut pas cliquer directement. Ah, merde, putain, que j'ai fait. Pourquoi j'arrive pas à cliquer directement avec le doigt, là? Ça me l'envoie pas. Et ni copier. Comment on fait pour copier, déjà, ces contrôles? Je sais plus comment on fait. Mais c'est des paroles du groupe Trio. Sur deux. Ah ouais. Attends. Ok. C'est chiant, ça. Ouais, c'est chiant, putain. Attends, je sais. Wow. J'ai compris, hein, mais ça. T'as un petit curseur. Ah, je crois que c'est bon là. Ouais, légèrement décalé. Non, j'arrive pas, ça se décale. Putain, ça se décale. Oh, c'est chiant. Bon, allez. plutôt Shift 2, ouais. Ah, ok. Moi, je suis sur X1. Ah oui, j'ai capté. Eh non, je suis pas bon, hein. Putain. Bon, je suis en train de vous casser les couilles, là. Bon, je le fais.